Audiomatique. en amorce de cette transmission 3-4-8 d'Audiomatique, nous vous avons présenté la pièce Yesterday Faded, tirée du tout dernier album de l'artiste anglais Daniel Avery, intitulé Together in Static. Dans l'infinité des sonorités possibles, nous vous présentons maintenant celle définie par Square Pusher. Thank you. Thank you. Cette séquence de deux pièces à Audiomatique se refermait sur la musique du groupe Sons of Kemet et sa pièce Let the Circle Be Broken, tirée de leur tout nouvel album intitulé Black to the Future. Sons of Kemet est notamment composé du saxophoniste Shabaka Hutchings et du batteur Tom Skinner, ce dernier qui se joint d'ailleurs à Tom York et Johnny Greenwood pour former le groupe de Smile dont nous devrions entendre parler davantage prochainement. Et avant Sons of Kemet, c'était le projet Square Pusher et sa pièce The Swifty, se retrouvant sur le premier album Feed Me Weird Things, paru en 1996. Et Audiomatique se poursuit maintenant sur la musique du projet Assura. Thank you. à Audiomatic, c'était le projet Autoclave 1.1 et sa pièce Hell is the Face of Love de l'album Love No Longer Lives Here, paru en 2008. Avant cela, c'était la formation Future Trail et sa pièce Whisper My Message de son plus récent album Secrets of the Mind, qui est paru en 2019. Et la séquence s'ouvrait sur la musique du projet Asura et sa pièce Erase, apparaissant sur l'album 360. Cette transmission 3-4-8 de Zoomatic se terminera avec la musique du regretté Miles Davis, plus précisément la composition Pharaoh's Dance, bien sûr, pièce qui ouvre son album Bitches Brew, enregistré en août 1969 et paru en avril 1970. Durant l'intervalle qui nous sépare de la prochaine transmission d'Audiomatic, vous pouvez remplir le vide en écoutant nos anciennes transmissions accessibles par l'entremise de nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Et comme toujours, les sonoristes assureront la présence au studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain pour animer en direct la transmission 3-4-9. Voici donc Miles Davis et la pièce Pharaoh's Dance. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you. Thank you.